En Corée du Sud, selon la publication d'un établissement de sondage du Discouron, la popularité de Park Geun-hye a baissé encore plus par rapport à la semaine dernière. Alors que les personnalités proches de Park Geun-hye dénoncent les vices de la Maison Bleue sans voiler leur hostilité, des pro-Park Geun-hye sont en danger de perdre l'hégémonie au sein du parti au pouvoir. La Banque de Corée du Sud et autres établissements gouvernementaux aussi s'opposent à la politique de Park Geun-hye.